Le comité préparatoire barbadien pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes et des femmes 2017 vient d'être constitué. Le président du comité barbadien d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen, David Denny, est élu président du comité préparatoire.